بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه من تبعهم بإحسان ليوم الدين، أما بعد. طيب، on va poursuivre aujourd'hui notre ders et on va prendre le 18e et 19e hadith qui sont des très très beaux hadiths. يقول الحديث الثامن عشر. Je m'excuse pour le bruit de fond, là il y a un chauffage à côté de moi, chauffage électrique, donc c'est ça qui fait le bruit. Donc s'il y a un dérangement auprès au niveau de l'audition, je m'en excuse. يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة متفق عليه. En fait, صلى الله عليه وسلم il a dit que l'injustice seront des ténèbres le jour de la résurrection. La justice commise en ce bas monde seront les ténèbres le jour de la résurrection. يقول هذا الحديث فيه تحذير من الظلم والحث على ضده وهو العدل والشريعة كلها عدل آمرة بالعدل ناهية عن الظلم. قال الله تعالى قل أمر ربي بالقسط. Donc ce hadith vient pour mettre en garde contre l'injustice et incite à son opposé, qui est la justice. Et toute la législation n'est que justice. Et qu'elle ne fait qu'ordonner la justice. Et qu'elle interdit l'injustice. Dans le sens où Allah il dit, mon Seigneur a ordonné l'équité. Al-A'raf, verset 29. Inna Allah ya'muru bil-adl. Que Allah ordonne la justice. Al-lazina amanu wa lam yalbisu imanahum bil-dhulm. Ulaika lahumul amn. Wahum muhtadun. Ceux qui ont cru et qui n'ont pas entaché leur foi par l'injustice, ceux-là auront la sécurité et seront les bien guidés. Et là, dans ce verset, le zulm, c'est le shirk. Fa'inal iman usulahu wa furu'ahu batinahu wa zahirahu kullahu adlun wa zidduhu zulm fa'adalu adl wa asluhu al-i'tiraf bi tawhidillah wa tafarrudihi bil kamal. Donc, la foi, dans son intégralité, que ce soit ses fondements ou ses branches, ce qui apparaît d'elle ou ce qui est caché, ou ce qui est enfoui, n'est que justice. Et son opposé, c'est l'injustice. Et la plus grande des justices, la plus juste des justices, c'est de reconnaître le tawhid d'Allah Azzawajal. Et que la perfection, c'est lui qui s'individualise parce que cette perfection. Que Allah se particularise et s'individualise par la perfection. Et également, fait partie de la justice, la sincérité en religion pour lui. Wa a'zama adh-dhulm wa ashadduhu ash-shirku billah. Comme a dit Ta'ala, inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Et que la pire injustice, la plus gravissime, c'est le shirk. Dans le sens où Allah dit que le shirk est une injustice immense. Surat Luqman, verset 13. وَذَلِكَ أَنَ الْعَدْلِ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي مَوْضِعِهِ وَالْقِيَامَ بِالْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ وَالظُّلْمُ عَكْسُهُ. Pourquoi ? Car c'est quoi ? La justice. La justice ainsi que la sagesse ont la même définition qui consiste à mettre les choses à leur place. Et de rendre les droits obligatoires à chacun. Alors que l'injustice, c'est le contraire. C'est-à-dire que l'injustice, c'est de mettre les choses en contexte. Une chose ne met pas à sa place, tu aurais été injuste. Que tu t'en rendes compte ou pas. فَأَعْظَمَ الْحُقُوقِ وَأَوْجَبُهَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْرِفُوهُ وَيَعْبُدُوهُ وَلَوْ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Donc le plus grand des droits et le plus obligatoire, c'est celui d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. Qu'ils connaissent leur Seigneur et qu'ils l'adorent et qu'ils ne lui associent rien. ثُمَّ الْقِيَامَ بِأُصُولِ الْإِيمَانِ وَشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ مِنْ إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت الحرام والجهاد في سبيل الله قولا وفعلا وتواصي بالحق وتواصي بالصبر. Et ensuite viennent les obligations de la religion ainsi que ses fondements, comme par exemple la salat ou s'acquitter de la zakat, le siyam de Ramadan ou le hajj, ou également les efforts à fournir en religion par la parole ou par les actes. Et aussi, de s'enjoindre dans la vérité de s'enjoindre dans la patience. ومن الظلم الإخلال بشيء من ذلك كما أن من العدل القيام بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان ومحبته وتقديمه على محبة الخلق كلهم وطاعته وتوقيره وتبخيره وتقديم أمره وقوله على غيره. Il fait partie de l'injustice de trouver une défaillance dans les choses précédentes qu'on vient de citer. Tout comme il fait partie de la justice de rendre au prophète son droit et de croire en lui et de l'aimer et de faire prévaloir l'amour qu'on lui apporte à l'amour qu'on pourrait porter à toute autre créature. Il fait partie de la justice de lui obéir et de le respecter et de faire primer son ordre sur tout autre. ومن الظلم العظيم أن يخل العبد بشيء من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأرحمهم بهم وأرأف بهم من كل أحد من الخلق وهو الذي لم يصل إلى أحد خير إلا عند يدي أو إلا على يدي. Fait également partie de l'injustice de ne pas rendre le droit du prophète صلى الله عليه وسلم qui lui-même est plus en droit sur les musulmans qu'eux-mêmes envers la propre personne. Et qu'il est le plus miséricordieux et le plus doux des hommes envers les croyants. Il est celui par lequel aucun bien, aucun khayr ne parvient à quiconque si ce n'est par sa cause. Aujourd'hui, tout bien qui parvient aux hommes, cela est par la cause du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que les gens s'en rendent compte ou pas. Tout bienfait qu'on trouve dans ce bas monde, comme sagesse, comme comportement, comme politique ou autre, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a indiqué, soit directement, ou soit par des sous-entendus, ou soit par déduction par rapport à ses paroles. Ça revient forcément à l'islam. Aussi, il fait partie de la justice, l'obéissance aux parents, et d'entretenir le lien de parenté. Et son contraire, l'injustice, est de ne pas, justement, agir en conséquence, de mal se comporter envers les parents et de ne pas rendre aux gens leurs droits. ومن العدل قيام كل من الزوجين بحق الآخر ومن أجل بذلك منهما هو الظالم ومن أخل بذلك منهما فهو الظالم. Aussi, fait partie de la justice que chacun des deux époux rende le droit à son conjoint. Quant à celui qui aura été défaillant, qui aura causé une défaillance à ce niveau-là, c'est lui qui sera l'injuste. Quand un mari ne dépense pas pour sa femme comme il se doit, ne l'abrite pas comme il se doit, et autre, il aura été injuste envers elle. Et une femme également, qui n'apporte pas à son mari le droit des rapports, le droit de l'obéissance, le droit du service, et autre, elle aura été injuste. Toute personne qui ne rend pas le droit à son conjoint, aura été injuste, l'un comme l'autre. Donc il dit, le zulm, l'injustice, dans son intégralité, causera que celui qui l'aura commise sera dans les ténèbres le jour de la résurrection. Et chacun sera rétribué en mesure de l'injustice qu'il aura commise. Plus celle-ci sera grande, et plus son châtiment sera douloureux. ويجازى المظلومون من حسنات الظالمين فإن لم يكن لهم حسنات أو فنيت أخذ من سيئاتهم فطرحت على الظالمين. كذلك ceux qui ont été lésés, ils récupéreront leurs droits en prenant des hasanat de l'injuste. Celui qui les aura lésés, يوم القيامة, celui qui aura été opprimé, récupérera son droit en prenant des hasanat de l'injuste. Et si jamais l'injuste n'aura plus de hasanat à donner, alors on prendra des mauvaises actions du lésé pour les attribuer à l'injuste. Et tout cela fait partie de la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et qu'on raconte, « Wallahu ta'ala harrama al-zulm ala nafsihi, wa ja'alu bayna ibadi muharrama, fallahu ta'ala ala sirat al-mustaqim fi aqwalihi wa fa'alihi wa jazaihi, wa wal adl. وقد نصب لعباده الصراط المستقيم الذي يرجع إلى العدل ومن عدل عنه عدل إلى الظلم والجور والموصل إلى الجحيم. Donc Allah عز وجل s'est interdit à lui-même l'injustice et qu'il a rendu interdite entre ses serviteurs. comme dans le hadith Qudsi que vous connaissez. Donc Allah Azzawajal n'est que justice dans tout ce qu'il dit, ce qu'il fait. Et également dans les rétributions qu'il accorde à ses serviteurs. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, Allah n'est que justice. Dans ce qu'il, dans ses jugements. Dans sa sagesse, cela n'apporte que la justice. وقال الظلم ثلاثة أنواع. Que la justice est de trois formes. Il y a une injustice qu'Allah ne pardonne pas. Et c'est le shirk, comme vous le savez. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Que Allah ne pardonne pas qu'on le suit quoi que ce soit, mais il pardonne en dehors de cela qu'il veut. Donc la justice, celui qui meurt sur le shirk, sans tawba, que sur le shirk akbar ou asrar, Allah ne pardonnera pas. Sauf que le akbar, celui qui l'aura commis sera éternellement au feu, alors que le asrar, il sera châtié un temps pour finir par en sortir et aller au Jannah. Ensuite, il y a une autre injustice que Allah ne laissera aucun répit. C'est l'injustice des serviteurs les uns vers les autres. Quelqu'un qui aurait été injuste envers un serviteur, Allah Azzawajal fera que son droit lui soit rendu au Qiyama. Et chacun en mesure de la justice qui a été commise. Quel que soit le zulm que tu as fait en ce bas monde, tu en seras rétribué en conséquence yom al-qiyama. Un zulm que tu auras fait à quelqu'un, d'accord, celui-ci obligé que tu le rendras. Allah Azza wa Jal fait en sorte que qu'il sera rendu. Et ensuite, il y a une forme d'injustice, la troisième, qui est sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. S'il veut, il la pardonne, s'il veut, il châtie. C'est l'injustice du serviteur envers lui-même. C'est-à-dire celui qui commet des péchés, mais ces péchés ne sont que sur lui-même, pas sur autrui. Alors ce genre d'injustice-là, il se peut qu'Allah Azzawajal la pardonne. D'accord ? Quelqu'un qui se fait du mal à lui-même, en ayant fait, je sais pas moi, il a commis un péché, mais ce péché n'agit que sur lui-même. Il se peut qu'Allah lui pardonne. Par contre, celui qui aurait été une injustice envers un autre, cette personne l'a lésé, récupérera son droit inévitablement yom al-qiyam. Et l'autre forme de zulm, c'est ce qu'Allah ne pardonne pas, c'est le zulm qui est de ne pas rendre à Allah son droit, qui est le tawhid. Après, si c'est shirk akbar, ce sera au feu éternellement. Si jamais c'est asrar, ce sera temporairement. Donc que chacun craigne son Seigneur quant à la justice qu'il pourra commettre en ce bas monde. Et l'injustice, des fois, on peut même la commettre involontairement, sans s'en rendre compte. Et toute personne qui n'appuie pas la religion est injuste envers elle-même. Et les plus grands injustes sont les koufars et les mouchilikoun. Car eux n'adorent pas Allah. C'est-à-dire le droit primaire et le droit primordial et la plus grande justice, ils ne la rendent pas, qui est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Thumma yaqul al-hadith al-tasi' ashar. 19e hadith. An Abi Hurayra رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدادوا أو تزدروا نعمة الله عليكم متفق عليه. Le Nabi صلى الله عليه وسلم il a dit regardez ceux qui ont moins que vous et ne regardez pas à ceux qui ont plus que vous car cela pourra vous causer de ne pas vous apercevoir du bienfait d'Allah Azzawajal sur vous. On regarde aux gens qui sont moindres que nous. Et là, il s'agit des choses dans la dunya. Dans la dunya, on regarde les gens qui ont moins que nous. Et non pas ceux qui ont plus que nous. Par contre, dans le mérite de la religion, on regarde les gens qui ont plus que nous. Pas ceux qui ont moins que nous. On regarde les gens qui ont plus de chance que toi. Les gens qui sont plus pieux que toi. Les gens qui ont plus de mérite que toi. Les gens qui font plus d'adoration que toi, les gens qui sont plus sur la droiture que toi, eux, regarde-les, prends-les en exemple. Quant à ceux qui sont en dessous de toi, eux, ne les prends pas en exemple. En te disant, moi, je suis mieux que lui. Mais, cela peut t'aider à remercier Allah Azzawajal devant une personne qui fait plus de péché que toi pour te dire que Allah t'a gratifié par la droiture, donc cela doit te rendre encore plus pieux et plus reconnaissant. Ça, oui. Mais quand en fait tu regardes une personne qui fait que des péchés et te dire moi je suis bien, alhamdoulillah, dans le sens que tu te vends toi-même et tu fais tes propres éloges, ça c'est pas bon. Mais juste, tu dois reconnaître que Allah Azzawajal t'a accordé le tawfiq de pouvoir faire mieux que d'autres en religion. Donc cela doit t'amener encore plus à craindre que ce tawfiq te soit retiré et t'amener à faire encore plus d'efforts et être encore plus reconnaissant. Yaqul, ya laha min wasiyatin nafi'a wa kalimatin shafiyah wafiyah. فهذا يدل على الحث على شكر الله تعالى بالاختلاف بنعمه والتحدث بها والاستعانة بها على طاعة المنعم وفي جميع الأسباب المعينة على الشكر فإن الشكر لله رأس العبادة وأصل الخير وواجب على العباد. Donc ce hadith comporte une énorme exhortation et une grande recommandation et qui incite à être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et on connaît tous ses bienfaits sur nous. Et même le fait de les proclamer ses bienfaits. Ce que Allah Azza wa Jalla t'a donné comme bienfait, proclame-les. وَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ كَمَا قَالَ تَعَالَى. Et quant aux bienfaits de ton Seigneur, alors proclame-les. Et également, ces bienfaits, on doit s'en servir, justement, pour encore plus obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et accomplir les causes qui, elles, aident à le remercier. Par exemple, Allah Azza wa Jal t'a donné de l'argent. Cet argent, tu t'en sers dans le bien. Tout ce que Allah t'a donné comme bienfait matériel, tu t'en sers pour son obéissance, pas dans le mal. Et cela, justement, est une preuve de reconnaissance de ta part. Il dit qu'à la reconnaissance, le remerciement, c'est le sommet de l'adoration. Et c'est la base de tout le bien. Et cela est obligatoire sur le serviteur. Car le serviteur n'ont aucun bienfait, qu'il soit apparent ou caché, ou particulier, ou même généraux, sans qu'il ne provienne d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَوَالَّذِي يَأْتِي بِالْخَيْرِ وَالْحَسَنَاتِ. C'est lui qui amène le bien, et qui te permet de faire les bonnes actions. Et les bonnes, il t'apporte les bonnes choses. وَيَدْفَعُ السُّوءُ وَالسَّيِّئَاتِ فَيَسْتَحِقُ أَنْ يُبْذَلُ لَهُ الْعِبَادِ مِنَ الشُّكْرِ مَا تَصِلِ إِلَيْهِ قُوَاهُمْ وَلَا الْعَبْدُ أَنْ يَسْعَى بِكُلِّ وَسِيلَةٍ تُوَصِّلُهُ. Également, c'est Allah qui repousse le mal et les mauvaises choses. Donc, c'est pour cela que les serviteurs doivent fournir tous leurs efforts afin de le remercier. La force qu'Allah t'accorde, tu dois la mettre à son service pour le remercier. Et Allah Azzawajal ne te demande pas beaucoup. En réalité, il te demande le tawhid et d'accomplir les obligations et de délaisser les interdits. Tout le reste, ce sont les choses qui sont permises et que tu fais. Les adorations, elles ont un temps prescrit. Le siyam de Ramadan, c'est une fois dans l'année. Le hajj, c'est une fois dans la vie. Les salawat, c'est 5 fois par jour, mais elles ne sont pas longues. Et ainsi de suite. D'accord? Et cela, c'est parmi les choses minimes, que le serviteur peut faire, comme la zakat. La zakat, c'est un tout petit peu de ton argent. 2,5% de ton argent que tu donnes aux gens, avec les conditions remplies. Et celui qui n'a pas la somme requise, lui n'a pas la zakat à donner. Ce n'est pas beaucoup. Allah Azza wa Jal ne demande que très peu. Naam. Summa yaqul que dans le hadith, par exemple, ce qui va t'aider à remercier Allah Azza wa Jal, quand tu vas voir une personne qui sera en mauvaise santé, qui aura un handicap, qui sera pénalisé pour des choses liées, par exemple, à un manque de raison ou autre, alors que toi, tu as la forme, tu es en bonne santé et tout, cela va te permettre ou va te contraindre à remercier Allah Azzawajal de t'avoir gratifié de ce qu'il n'a pas donné à un tel. Par exemple, tu vois des gens, ils sont malvoyants, toi tu vois bien, dis hamdoulillah. Des gens, ils sont borgnes, toi, même si tu es malvoyant, tu as deux yeux, tu dis hamdoulillah. Et si tu es borgne, sache qu'il y a des gens qui sont aveugles, donc dis alhamdoulillah. À chaque fois, tu te rends compte que, malgré les choses que tu pourrais avoir, il y a des gens qui ont moins que toi encore. Kazalik, dans les biens matériels, il se peut que tu sois quelqu'un qui soit riche. Tu vois des gens qui sont pauvres. Remercie Allah Azzawajal de t'avoir permis de pouvoir avoir des choses que d'autres n'ont pas. Et même si tu n'es pas riche, tu auras forcément plus que d'autres. Tu auras un toit, des gens ils n'ont pas de toit. Toi, tu auras des vêtements, des gens ils en ont moins que toi. Toi, tu auras à manger, tu mangeras à ta faim, d'autres ne mangent pas à leur faim. Et ainsi de suite. T'as des gens, ils ont des repas, ils ont des variétés multiples de nourriture. D'autres, ils n'ont pas le choix. Ça sent tous les jours, ils mangent la même chose. Donc, comment c'est Allah subhanahu wa ta'ala? Ici, je vois en France, le nombre de, comment le domaine de la restauration s'est développé, c'est incroyable. Et malgré cela, des fois, on entend des frères critiquer la nourriture. On dit ça, ça manque de, un remède de remerciement. Si tu vas dans un restaurant, tu n'aimes pas la nourriture, ne la critique pas. Ne l'insulte pas. Juste dis, tel restaurant, pour moi, est meilleur, par exemple. Mais critiquer, rabaisser, ça, c'est un manque de remerciement. T'as des gens, ils ont même pas ça chez eux. Ce genre de menu, ils ont pas. L'autre, il dit, ouais, tel grec, ah, il est horrible. Il est je ne sais quoi. On dit, il y a des gens, ils ont même pas de grec chez eux. Même des frites, peut-être, ils en ont pas. Toutes les sauces que t'as, ils les ont pas. Des fois, ils ont que du riz blanc, des haricots, du foul. Peut-être, certains, ils ont du pain rassis. D'accord? Ils n'ont pas beaucoup de choix, et toi, tu as là les variétés de nourriture. Mais reste là, tu critiques. Ah, c'est un manque de remerciement dans la spantala. Et le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, quand il n'aimait pas de nourriture, il ne la critiquait pas. Juste, il ne la mangeait pas. Cela suffisait. Donc, regarde toujours, d'accord, ceux qui ont moins que toi. Et quand tu verras ce que Allah t'a accordé comme bienfait, alors cela va te contraindre à le remercier encore plus. Et aussi, c'est un rappel qu'on fait là, principalement, à beaucoup de femmes qui sont mariées, elles ont des maris, elles ont des enfants, et malgré cela, elle demande la séparation pour des choses qui sont futiles. On dit, ya Orti, ce hadith-là, prends-le comme une wasiya pour toi, une exhortation. Tu as des femmes qui n'ont pas de mari et qui aimeraient avoir un mari. Des femmes qui ont été mariées, et qui ont été divorcées, qui se retrouvent seules avec des enfants. Et pour qui la vie est un fardeau. Et elles aimeraient trop retourner avec le père de leurs enfants. Même pas un mari, hein, avec le père de leurs enfants. Et aujourd'hui, des femmes, elles ont des enfants. Elles ont des situations où elles n'ont rien à demander, tout est là. Leurs droits leur sont rendus, mais pour des raisons futiles, elles veulent le divorce. À la base, le divorce n'est pas demandé, si ce n'est avec des religions, avec des causes légitimes. Wallah ya Orti, qu'une femme, que Allah Azzawajal t'ait accordé un mari, c'est une grâce qui est immense. Le Nabi Sarsam, il a dit, La kuntu amiran ahadan yasjuda li khalqin la martul mar'an tasjuda li zawjiha. Si j'avais ordonné à quiconque de se prosterner pour quelqu'un, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner pour son mari. Tellement c'est un bienfait pour elle. Elle s'en rend même pas compte aujourd'hui, la femme. Qu'avoir un époux, c'est un grand bienfait pour elle. Car la présence d'un homme dans son foyer, c'est une cause de bienfait et de baraka. Même si l'homme n'est pas forcément droit, même s'il n'est pas forcément beau, même s'il n'est pas riche, mais qu'il est musulman et qu'il a mis un homme de khayr en lui, alors patiente avec lui. Ça sera un khayr. Meilleur que si jamais tu te sépares de lui et après tu te trouves seul. Dans une situation trop difficile. Ou alors, si jamais tu ne vois pas la difficulté, tu tombes dans les péchés sans même te rendre compte. À sortir au milieu des hommes, à aller travailler au milieu des hommes, et à avoir un manque de pudeur, et à faire des choses qui vont te nuire en religion dans la dunya. Même à ton image, à ta réputation. Avoir un époux, c'est une chose qui est un grand bienfait pour une femme. Voilà, faut pas qu'elle soit ingrate envers ce bienfait qu'elle a lui accordé. Et aujourd'hui, trop de femmes se plaignent de choses qui, en réalité, ne méritent aucune plainte. Juste un peu de patience. Et si elle met un patient et qu'elle remercie, il se peut que par cette cause de cette patience-là, Allah fasse que son mari se réforme si elle met un démanquement, qu'il devienne meilleur. Et kazalik, on demande aux frères, lorsqu'ils ont des femmes qui sont obéissantes, c'est la même chose. Même si elles sont pas forcément belles, elles ont grossi ou autre, tant qu'elle est ta femme, qu'elle est plus un minimum, qu'elle t'obéit, voilà, remercie Allah Azawajel. Il ne va pas commencer à chercher une qui soit plus belle ou je ne sais quoi, et divorcer celle-ci. Et la mère de tes enfants, elle a patienté avec toi, elle a enfanté pour toi, enfin pour toi. Elle a enfanté par ta cause, elle a fait des grossesses, elle a eu des enfants, et après, au bout d'un moment, pour je ne sais quelle raison, tu veux la divorcer. Alors qu'elle est là, elle est serviable, elle reste toujours un minimum affectueuse. Personne n'est parfait, ni l'homme ni la femme, et tu vois l'homme qui dit, ouais, j'en ai marre d'elle pour je ne sais quelle raison. Même si on sait que l'homme peut divorcer, sans vraiment donner de raison, on dirait que c'est un manque de remerciement. Et c'est peut qu'Allah Zawajel t'éprouve par une autre femme par la suite, qui elle te fera vraiment la misère. Et tu regretteras ta première femme que tu avais auparavant. Donc, que les deux conjoints craignent Allah Azawajal dans ce qu'il leur a accordé. Et que chacun patiente l'un sur l'autre. Et encore, Allah Azawajal a accordé à l'homme de pouvoir se marier avec une deuxième, une troisième, si jamais sa première ne le comble pas assez. Mais pas de la divorcer comme ça. Et surtout s'il y a des enfants. Faites très attention aux enfants. Ce sont les premières victimes des divorces. Quand un couple divorce, les premiers qui en pâtissent sont les enfants, les massacres. Ils ne vont rien demander, eux. Ils se retrouvent sans père. Seuls avec leur mère. Dans le plus fréquent des cas. C'est la mère qui s'occupe des enfants. Et quand le père, il est pas là, elle est dépassée. Il n'y a plus d'autorité à la maison. Et kazalik les pères qui ont divorcé leur femme et qui ne sont pas respectueux de la nafaka à donner aux enfants. Il faut qu'ils craignent Allah Azzawajal. Dans le hadith précédent, on a dit le zulm zulmat yawm al-qiyamah, que la justice sont les ténèbres yawm al-qiyamah. Et le fait qu'un ex-mari donne pas le droit à son enfant, il le paiera. Ils n'auront pas le droit que l'enfant doit avoir. Et des fois, c'est la femme qui est contrainte d'aller travailler ou de faire quoi d'autre pour payer les dépenses de son enfant, alors que le père, il est apte à le faire. Et ça, c'est une injustice. Il faut que les frères craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc, on demande aux deux conjoints de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de faire preuve de patience l'un envers l'autre. Tant qu'il n'y a pas de choses gravissimes qui ont été atteintes ou de turpitudes qui ont été commises et qu'il y a un minimum de religion qui existe toujours dans le foyer, alors patientez les uns sur les autres. Et que chacun rend le droit à l'autre, autant que possible. Fattakullah mastata'tum, craignez Allah autant que vous le pouvez. Et regardez le nombre de frères qui sont célibataires, qui n'arrivent pas à se marier. Quand tu as une femme, remercie Allah Azzawajal. Et pareil pour les sœurs. Quand on voit le nombre de femmes divorcées, ou qui sont veuves, qui sont âgées, ou qui ont certaines difficultés à se remarier, vous qui avez des maris, remercie Allah Azzawajal. Vous avez des foyers, remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez à ceux qui ont moins que vous. Et si jamais vous voulez des références, regardez à ceux qui se comportent mieux que vous. Naam. Voilà à quoi incite ce hadith. Là, on l'a pris en résumé. Et surtout, ne jamais oublier, comme encore le Ta'ala, « Walin shakartum la azidannakum mun kafartum min azabil ashadid » Si jamais vous remerciez, Allah vous rajoutera. Si jamais vous êtes ingrat, ce châtiment, il est douloureux. Encore le Ta'ala, « Wa man yubadil ni'matallah min ma'di ma ja'atou fa inna Allah shadidul iqab » Que celui qui change un bienfait qu'Allah lui a accordé, après qu'il soit parvenu, que Allah est dur en châtiment. Donc attention au fait de combattre les bienfaits que l'on a, et de le repousser, et de ne pas le remercier. Naam. Donc voilà ce qu'on a pris aujourd'hui comme ahadith. Wa laktafi bi dhal qadr. Wa subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.